You Rock. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Rocky. David Ferron sera là pour nous donner l'addition dans les notes salées. Et on apprendra des choses dans la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Rocky commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce lundi 17 novembre 2014. Oui, puis on dirait que t'as pris un coup de jeune en fin de semaine. Je sais pas, est-ce que c'est la disparition du pad? Tu t'es fait couper les cheveux. Je me suis fait un petit peu couper les cheveux, oui. Fait du bien? Merci de remarquer, oui. Je me suis rasé aussi un peu. Bon, t'es ouais. Tout frais. Tout frais, dispo en ce lundi matin enneigé. Fais-moi penser de faire poser mes souliers verts. Oh boy. Ouais, c'est un peu glissant. C'est. Je sais pas. À l'UQTR, c'est rarement très, très salé avant 7h30 le matin, je te dirais. L'hiver. Ah, je sais pas, j'ai mis mes petites bottes... Ouais. Mais j'apprécie quand même... J'apprécie quand même le fait que t'aies pas dit que j'ai un pneu 4 saisons. Autour de ma taille. Ben voyons donc. Ah. C'est pas du tout mon genre. Ah, me semble aussi. Tu peux les faire toi-même, je sais que... Comme j'ai juste de faire, ça. Ouais, c'est genre. Donc, le plan d'aujourd'hui, Steph, ça te tente? Pourquoi pas? À 8h30, David Ferron va être là pour sa chronique Les Notes Salées. Aujourd'hui, j'ai reçu son thème. Laissez-moi vérifier ça. C'est quelque chose avec Clamato must. Must. C'est must. Mais moi, je dis Clamato must. Pourquoi que... Clamato? Ben, c'est pas ça du Clamato must. Non? Moist. Moist. Les serviettes humides, c'est fait avec des tomates, je pense. Je pense qu'on se perd, mais must, M-U-S-T-T. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça va être David Ferron à 8h30, mais le gars est toujours bien surprenant. Puis même s'il essaie de nous dire ses thèmes à l'avance, on les comprendra pas de toute façon. Hein? Ben voilà. Voilà. Ensuite, à 9h, plus tard, en fin d'émission, on va faire... c'est un fait. Entre les deux, Alexandra Carignan n'est pas là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de S. Donc, on va faire le bloc pub à 8h. Es-tu pogné dans la neige? Je sais pas, la liaison entre les deux mots qui se faisait pas. Je pense que je l'ai perdu dans la neige, ouais, c'est ça. Mais on va débuter avec une chronique de son foutu palmarès dans quelques instants. Ça te va, ça? Ça me convient parfaitement. J'ai entendu dire que t'as pas tellement aimé la pièce qui a bouclé la boucle entre assemblage prérequis jusqu'à 7h30 et ensuite assemblage requis à 7h30. C'est ce qu'on m'a dit. T'as entendu ça? J'ai pas entendu ça. En fait, j'ai vu ta face. Mais je te donne du Lisa Leblanc pour compenser. Lisa Leblanc, Gold Digging Hold Down, tout de suite. Là, c'est toi qui... Là, c'est moi qui aime pas ça, c'est ça. Chacun son tour. C'est de l'équilibre brium. Là. Ce matin. Bonne émission! We'll be right back. Gold Digging Hoedown par Lisa Leblanc, Assemblage Requis. C'est comme ça qu'on débute notre émission ce lundi matin, toi. Une autre chose qui va bien débuter, c'est d'essayer de deviner des chansons dans un ordre plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Foutu palmarès, ça c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Aujourd'hui, c'est pas vraiment super précis. Ben, en fait, ce l'est, mais tu vas voir que ce n'est pas tant que ça, ce l'est, mais un peu. Je suis tout mêlé aujourd'hui. T'es quasiment en clair. Ouais, ben c'est qu'il y a une expérience conduite par le Museum of Science and Industry au Royaume-Uni. Les gens ont dû jouer à un jeu qui s'appelait Hooked on Music. Ils pouvaient choisir parmi 4 jeux et chacun contenait des clips des chansons qui ont été le plus vendues de tous les temps, des années 40 à aujourd'hui. Donc il y a 12 000 personnes qui ont joué à ce jeu-là et les données ont été analysées pour voir le temps que ça prenait avant que les gens reconnaissent les chansons qui étaient jouées. Est-ce que tu me comprends? OK, oui, oui, oui. Donc, la recherche, les chercheurs, en fait, sont venus à la conclusion qu'un bon crochet mélodique ou mélodieux ou une mélodie accrocheuse dans une chanson, c'est évidemment la meilleure façon d'attirer leur attention et faire que les gens impriment ça dans leur mémoire à long terme. Donc, on va écouter 10 débuts de chansons très connus okay. pour la plupart et tu vas essayer de les deviner en le moins de temps possible. Je vais même te dire en combien de temps ça a été trouvé. En moyenne. C'est bon, ça? OK. Bon. Je suis un peu stressée. Ça se peut que je ne reconnaisse pas du tout. Parce que souvent, je connais les chansons, mais je ne connais pas les titres. Je l'ai essayé ce matin. Moi non plus, j'étais pas très, très bon. Donc, commençons par la première. Celle-là, c'est zéro pour moi. 2,84 secondes. OK, mais c'est pas les versions originales. Oui. Regarde. Oui. Bon, c'est pas le bout qu'on reconnaît. Hein? Non, c'est ça. Ça va venir. I could stay awake just to hear you. Ah, je le sais. C'est No one you miss your day. C'est c'est Aerosmith. I don't want to miss a thing. Évidemment, on les fait pas jouer, on n'est pas une radio commerciale. Seigneur. La suivante, celle-là, moi, je la connais même pas après l'avoir écoutée. Donc, 2,83 secondes. Je fais le refrain. Ça me dit quelque chose. Je sais c'est quoi, mais je sais pas c'est quoi. On va la laisser aller. Et moi, connu, celle-là, un petit peu, genre. Fait qu'on va la laisser aller. Il doit dire le titre à un moment donné, dans tout. Éventuellement. Fait que t'es rendu à 43 secondes. Mais faut... Non, je sais pas c'est quoi. C'est sûr que le refrain va arriver, on va l'arrêter. Ouais. Il a dit le titre. Ah, ben je la connais pas comme ça. Allez, refrain, allez, refrain. Come on, on est rendu à la moitié de la chanson. Ça va être là, ça va être là. Oh boy! C'est, The Human League et Don't You Want Me. Ensuite, ah, c'est le seul bout que je connaissais. Juste le début, celui-là, quand même. 2,83 secondes. Moi, je sais quoi, je ne replace pas les titres. C'est Whitney Houston, I Will Always Love You. Mm-hmm. Ah. Ensuite, celle-là, tu vas l'avoir. Je suis pas bonne de trouver des titres. Je suis pas bon, moi non plus. Ça me prend des choix de réponse. Il y a un petit début vidéoclip, là. On va embarquer dans la chanson bientôt. Là, j'imagine que les gens ne l'avaient pas trouvé. Là, non, non, c'est ça, quand même pas. Ah oui, des assiettes dans la chanson. C'est une cafétéria, genre. Bon. Ah, ben... Mais je sais que c'est Michael Jackson. Non, non, attends, c'est Beat It. C'est ça, c'est Beat It de Michael Jackson. Ensuite, celle-là en 2,73 secondes. Pretty Woman. C'est ça, Roy Orbison, Pretty Woman. Ça, là, écoute, quand j'étais petite, je l'écoutais des millions de fois. C'est la seule tune que je connais, mais mon père avait l'album, je l'ai écouté 40 000 fois, j'aimais le petit bout au début, donc c'est à peu près la seule tune que je connais à partir du début c'est ça. Dans la vie. Tu l'es. La prochaine en 2,73 secondes. Beau petit synthétiseur. Pas pire. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est ABBA. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben ouais. Ouais. M'aurais pris le refrain. C'est ça. 2,66 secondes pour la prochaine. Beaucoup trop de pression. Ah, je le sais. Mauvais. Ah, c'est mauvais. C'est Lady Gaga. Avec? C'est le nom d'un jeu vidéo. Just Dance, exactement. T'as pas besoin de me dire ça. Je sais pas, moi c'est le même, je l'aurais su. 2,62 secondes pour la suivante. Eye of the Tiger. C'est ça, The Survivor. Là, ça avance. Là, on n'a même pas besoin d'écouter plus que ça. La prochaine, l'avant-dernière, 2,48 secondes. Oh oui, Ladies and gentlemen, this is Mambo number. Ah, ben là, tu dis le nom de la France. C'est Lou Bega. Ouais, ouais. Mais bon, on aurait pu avoir un vidéoclip sans le début. Et finalement, celle-là, en 2,29 secondes. On attend le début de la chanson. Allez. J'imagine qu'il faut que tu aies vu le clip pour reconnaître les enfants. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas les enfants, mais ouais. J'avoue qu'elle est rare. Oh! Ah! C'est les Spice Girls. C'est ça, les Spice Girls. Ah, ben wannabe. Oui. Ben voilà. Non, c'était selon ben les oui. 12 000 filles. Participants. Des petites filles. Des petites filles. Ben, t'étais pas loin. T'es pas loin avec les petites filles. Alors voilà, c'était le top 10 des chansons les plus reconnues facilement parmi 12 000 personnes au Museum of Science and Industry au Royaume-Uni qui avaient joué à Hooked on Music. Si vous voulez jouer à Hooked on Music, vous aussi, essayez de déterminer des débuts de chansons. C'est hookedonmusic.org.uk. Le site est sur assemblagerequis.com. Dans la section, sont il y en a d'autres panarès. Ou c'est les mêmes? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ben, sinon, c'est facile, c'est les mêmes. C'est un peu simple, hein? Un peu simple d'esprit, je te dirais. Alors, on va continuer avec une autre liste. Tiens, tant qu'à être dans son foutu palmarès, on a du plaisir jusqu'à maintenant. Alors, on va y aller avec une petite liste bien, bien simple des versions, des façons de dire monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, okay. Monsieur, madame, tout le monde, on dit ça au Québec, dans la francophonie, on va dire ça pour noter quelqu'un de normal, de moyen. Pierre-Jean-Jacques, évidemment. Et ça, habillé comme la vache espagnole de Pierre-Jean-Jacques. Hein? La vache de Pierre-Jean-Jacques. Il n'y a pas d'animal de Pierre-Jean-Jacques dans l'histoire? Ben, t'as habillé comme la chienne à Jacques. Chienne à Jacques, c'est ça que je cherchais. Mais c'est pas le même Jacques. Ah, c'est, je pense que c'est Monsieur Jacques. Non, c'est pas le même. Donc, c'est 11 versions de ce Monsieur, Madame, tout le monde dans d'autres pays. Hein. Allons en Allemagne, où on l'appelle Otto Normal Verbraucher. Ce qui veut dire un consommateur, un client normal. C'est Otto, qui est un prénom connu comme Otto. Normal Verbraucher. Ensuite, en Chine, on l'appelle Zhang San. Ce qui veut dire Zhang numéro 3. Des fois, on va l'appeler Li Si, qui est Li 4, et Wang Wu, qui est Wang 5. Donc, des chiffres, ça dénote une personne qui est juste un numéro. Je comprends pas San numéro 3. Dans le fond, Zhang, c'est un prénom, Z-H-A-N-G, et San veut dire le chiffre 3. Mais c'est parce que je sais que quand on parle de quelqu'un et qu'on est comme intime, on va dire San. Oui, Miyamoto-san, et c'est tout le temps une familiarité. Oui, mais ça n'a pas rapport avec le numéro 3 dans ce cas-là. J'avoue. Donc, je sais pas si on le prononce différemment, si ici c'est de la même façon. Ben, il s'écrit SN ici. Ouais. Je sais pas, je pourrais pas te répondre. Un petit doute sur le chiffre. En ouais. Au Danemark, on l'appelle Morten Minigmand. Donc Morten, qui est un prénom connu là-bas, et Everyman, donc juste monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment ce que ça veut dire littéralement, Minigmand. En Australie, on l'appelle Fred Nurk. Fred. C'est supposé être en anglais, mais Fred. En Russie, c'est Vasya Pupkin. C'est sûr que c'est Poop? Pupkin, peut-être. Pupkin. On n'a pas les prononciations, évidemment. Je suis sûr que c'est pas poup. Peut-être, on sait pas, on sait pas. Ensuite, on va en Finlande, où on appelle ça Matti Mekalainen, qui est donc Melaikainen, qui est un nom de famille connu là-bas, mais qui veut aussi dire qu'il est parmi nous. Donc, quelque chose de parmi nous. En Suède, c'est Medelsvensson, donc un Svensson moyen. Svensson, un nom de famille connu. Ensuite, en France, on appelle monsieur et madame tout le monde, en fait le monsieur, Jean Dupont. Jean Dupont. Ben, ça peut être monsieur tout le monde. Oui, mais ou ça, Jean Dupont. Dans la francophonie, c'était partout, mais en France, on peut dire plus spécifiquement Jean Dupont. Voyons donc. Ben, je te dis. J'ai jamais entendu de ma vie. Ben, t'es pas en France! Au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, on dit Joe Bloggs. Donc, Joe moyen. On peut aussi l'appeler Fred, donc Fred Bloggs. En Italie, c'est Mario Rossi. Mario Rossi. Rossi comme le magasin, là? Pareil, mais c'est avec un I à la place du Y. Ah, je suis déçu. Donc, il n'y a pas de barre de chocolat à 3 pour un prix ridicule. Et en Amérique latine, c'est Juan Perez. Pareil, comme on dirait, tu sais, en France, Jean Dupont. Au Québec, on dirait sûrement genre, peut-être Jean Tremblay, quelque chose de bien simple. Non, ici, c'est Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques, c'est ça, exactement. Ça existe déjà. Alors que pourtant, il n'y a pas vraiment de Pierre-Jean-Jacques, tant que ça. Mais c'est pas un prénom, Pierre-Jean-Jacques. C'est pour nommer une panoplie de gens qu'on est habitué de voir. Exactement, mais ailleurs dans le monde, on a tendance à choisir un nom qui est déjà populaire. Donc, dans les pays espagnols, hispanophones. On pourrait pas faire ça ici parce que ça serait Michel Tremblay, puis il y en a déjà tellement qu'on connaît. Il y en a déjà trop, Michel, c'est vrai. Et là, en plus, là, ça dépend des générations. C'est Michel, c'est plus de notre génération. Moi, je sais pas si Pierre-Jean-Jacques va s'adapter à Mathis Noah Logan. Logan. Noah Logan. C'est très bon, ça. Très, très bon, parce qu'ils s'appellent tous comme ça, ceux qui ont moins de 10 ans. Alors voilà, c'était la liste des monsieur et madame tout le monde de partout dans le monde. Bien simple de même. On aime ça quand c'est simple. Tu casses pas la tête. T'en plein ça. On va aller justement. On va pas se casser la tête, mais en fait, on pourrait peut-être casser la tête d'un éléphant si on tirait une roche en plein en face. T'es-tu sûr? Ouais, c'est un peu violent. Voici nos amis de Elephant Stone et Motherless Child. Love's Not for War. Sur le 89.1 FM. Thank you. Elephant Stone et Motherless Child, Love's Not For War. Au retour, le bloc pub. Hein? Ça, ça va être un vrai bloc pub, mais après ça, le bloc pub, comme la chronique où on parle de marketing. Yes, sir. C'est dans quelques instants. À Assemblage Requis, reste là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Ah, vous êtes toujours Assemblage Requis. On se lundi matin, 17 novembre 2014. Et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Il fait froid ce lundi matin. On est en temps neigé. Des fois, ça va être difficile à partir. Pour vous, ce matin, on essaie de vous starter ça comme il faut. Start aux pommes, c'est comme on dit. La bonne start aux pommes pour déjeuner. Mais en. Je vais essayer de vous en vendre peut-être encore plus de la tarte aux pommes dans ma chronique marketing qu'on appelle le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. I love you and I kiss you. C'est le bloc pub, la chronique publicité et marketing d'Assemblage Requis. On a quelques nouvelles importantes mélangées autour de concepts publicitaires et de marketing. Donc, commençons avec la troisième association entre Bell Media et l'Université de Montréal. Dans le but de faire rayonner le talent des étudiants en publicité de l'Université de Montréal, Bell Media Radio s'est associé à la session d'automne 2014 au cours de création et production publicitaire. Ce cours qui permet aux étudiants inscrits au certificat en publicité de découvrir les principes d'une bonne création pub dans une variété de médias. Et grâce à ce partenariat, la troisième association du genre entre les deux, les étudiants peuvent concevoir un message autopromotionnel en radio ainsi qu'un message pour une catégorie d'annonceurs déterminée à partir de problématiques soumises par l'entreprise. Une fois les concepts rédigés, un comité d'évaluation composé entre autres de Roger Tremblay, qui est chargé du cours création et production publicitaire, et de René Derry, directeur de la recherche chez Bell Media, sélectionne les meilleurs concepts publicitaires soumis. Et les étudiants retenus sont invités par la suite dans les studios de Bell Media pour produire leurs messages, incluant la direction des comédiens et l'habillage sonore. Au terme du processus, les messages publicitaires des étudiants sont diffusés sur les ondes des différentes stations radio francophones de Bell Media. Donc, les radios commerciales qu'on n'aime pas, mais quand même, l'idée est vraiment bonne de pouvoir faire des pubs par des étudiants. Ben ça, oui. Ça donne des bons résultats, c'est super sûr. Ça se met tellement bien sur un CV. Tellement! Petite binerie comme Bell Media, là. Maintenant, on retourne dans le passé à Montréal pour Hendrix Gin. C'est une marque de gin, bien sûr, qui possède une multitude de curieux objets plutôt insolites. Eh bien, Astral Affichage et Jungle Media s'en sont inspirés pour développer le concept de sa dernière offensive, qui est le cabinet des curiosités Hendrix, misant sur l'histoire et les origines du siècle dernier, qui caractérise le gin écossais. Des colonnes de rue à Montréal ont effectué un retour dans le passé. Ces dernières ont été transformées en petits musées présentant des tablettes remplies d'objets et d'articles de collection du 19e siècle, période d'où Hendrix Gin tire ses origines. Afin d'assurer que l'exécution respectait l'image de la marque de Hendrix Gin et de sa bouteille dont l'emballage et la forme ont des allures vintage, le client est Quaker City Mercantile. L'agence de création ont étroitement collaboré au projet à l'exécution qui a été réalisée par les équipes de créativité média et de production chez Astral Affichage. Je pense qu'on pourrait aller regarder un petit peu ce retour en arrière de Hendrix Gin, une marque d'alcool que moi je ne connaissais pas à la base. Non, moi non plus. Mais évidemment, je ne suis pas fan de gin d'habitude, donc pourquoi est-ce que je connaîtrais ça sinon? On va donc écouter Hendrix Gin à l'instant. Colonne de rue pour commencer. Gin Hendrix, été 2014. On voit les bouteilles de très près. On voit les gens installer l'affichage. Encore une fois, Astral fait preuve d'innovation avec le cabinet des curiosités Hendrix. Bien sûr, c'est la vidéo de Je me vante, nous vante. Les colonnes de rue ont été transformées en petite musique. Donc, on les voit installer des objets dans une fenêtre qui s'ouvre du panneau d'affichage, évidemment tout ça barré. C'est des objets que je trouve vraiment beaux. Oui, c'est très joli. L'idée fut inspirée par la richesse de curieux objets plutôt insolites qu'Hendrix possède, oui. On dirait un frigidaire. Un frigidaire? De la façon qu'il l'installe. C'est des. Comment est-ce qu'on pourrait décrire les objets à part les bouteilles? Il y a des trucs en genre, je sais pas si c'est en ivoire ou quoi. C'est dur à dire, là. Ouais, c'est ça, mais c'est juste beau. Mais c'est très vintage, on s'entend. Là. Oui, oui. Avec une belle tapisserie dans le fond du panneau, ça c'est très très beau. C'est vrai. Et on voit les gens prendre des photos avec deux devant le musée finalement, donc ça a attiré des passants. Et en plus, ben tu fais que ton logo va être sur plein de photos de famille ou de photos ben souvenirs oui, ben oui. De tourisme quand tu es allé à Montréal. J'aurais quand même peur pour le vol des objets, on s'entend, c'est quand même en plein centre-ville de Montréal. Mm-hmm. J'imagine que c'est du verre assez épais pour pas être brisé. Là. Ça doit pas être comme justement les petites vitres où c'est écrit « brisez-moi » en cas de feu. Mais tu sais, ça disait « inspirer des articles ». C'est marqué « présenter des tablettes remplies d'objets et d'articles ». Ok, ça disait pas « inspirer ». Je m'étais attendu à ce que peut-être que ce soit des copies ou des choses inspirées par, mais ça a l'air d'être des vrais objets. Ça devait être des copies. L'histoire ne le dit pas. JWT Sydney et le gouvernement de New South Wales tentent une nouvelle approche pour sensibiliser leur groupe cible, c'est les hommes de 18-35 ans, à la violence liée à l'alcool. Plutôt que de présenter les images d'une violente bataille se déroulant après une soirée bien arrosée, la publicité fait le pari de faire parler la victime avant que la scène ne se déroule. Donc, dans le premier message, le jeune homme qui sera attaqué. Ah, attends, on va à la place de lire l'article, on va juste aller l'écouter. Je pense que ça va être nous briser des punchs de lire l'article ici, dans ce cas-là. Donc, une campagne australienne contre la violence, entre autres conjugale. Donc, écoutons cet extrait. Ça s'appelle « Stop it before it gets ugly ». Et la version numéro 1 qu'on va entendre là s'appelle « Aggressor ». On est dans un bar. Le gars demande une boisson. L'autre gars qui arrive au bar a déjà du sang dans le visage et il dit « Je peux te dire comment ça va se passer. » Je vais dire quelque chose plus tard, tu vas mal le prendre. Tu vas me demander de te suivre dehors et tu vas me frapper. My head will hit the pavement. Ma tête va frapper l'asphalte. Je vais avoir une hémorragie au cerveau. Ils vont me déconnecter. Et puis tout va aller en prison. Tu vas perdre ton emploi, ta copine, tes amis. Ça va être vraiment laid. Donc arrêtez-le avant que ça vire mal. Écris-moi, okay, tu parles vite, toi. Donc ça a été. On aurait dit que c'était les effets secondaires de cette publicité-là. On a une autre version qui s'appelle Influencer. Toujours dans un bar. Il va chercher la prochaine ronde. Oh, I'm the guy, yeah, c'est encore le même gars ensanglanté qui dit bonjour. Oui, non, juste maquillé un. C'est ça. Yeah, he's really gonna lose it. Il va perdre la tête. Il va se mettre en prison pour des années. À moins que vous le ramiez à la maison avant qu'il le fasse. You could help stop it getting really ugly. Vous pouvez l'empêcher de faire ça avant que ça vire mal. Et là, le gars arrive avec les bières à la table. Allô, allô. Ça fonctionne bien, je trouve. Arrête de parler vite. Ouais, si, voilà. Il y avait juste 30 secondes, ils lui ont donné 2 secondes au gars du gouvernement australien. J'aime la campagne, je trouve ça cool. C'est quand même pas trop provocateur, pas trop sensationnaliste. Ça fesse pas trop. Justement, c'est le contraire. Ça empêche de fesser. Ça dit ce que ça a à dire. C'est presque touchant. Voilà. Wow. Bon, on dit pas aux gens d'arrêter de boire. Donc, dans le fond, on dit on peut continuer de s'amuser, mais d'être conscient de ce que ça pourrait faire si on continuait. Quand on voit que ça dégénère, d'arrêter les choses au lieu de laisser aller et de pas prendre un peu la responsabilité de ce qui pourrait arriver, parce que c'est la responsabilité de tout, je pense, de réagir si on voit que ça s'envenime. Exactement. Les ministères de la Santé et des Services sociaux du Québec, donc le MSSS, lance une campagne pour sensibiliser la population à l'existence des troubles anxieux. C'est signé KBS Plus Montréal. Souvent mal perçus et surtout méconnus, les troubles anxieux sont mis en évidence par cette campagne. Par l'intermédiaire d'annonces télé, l'une de 30 secondes lors de 60, chacun pourra donc imaginer le discours intérieur que vivent les personnes atteintes de tels troubles. C'est qu'on peut écouter à l'instant en version de 60 secondes, évidemment la plus longue des deux. Moi, donc, l'image me perturbe. Est-ce que j'ai la même? Ah oui, ouais. On voit à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Donc, version 60 secondes. Madeleine souffre de phobie spécifique. 12e, pas le choix de prendre l'ascenseur. Ouais, t'es en béquille. Ouais, t'es en béquille, c'est ça, il fallait le dire. Là, on va, sa tête s'ouvre. Je vais rester prise, il s'ouvrira jamais. Je suis pas capable. Et là, il y a du flou autour de sa face. Luc souffre de phobie, pardon, c'était quoi? Phobie sociale. Phobie sociale, okay. Merci. Il entre dans un restaurant, un café. Les gens lui font salut, il vient t'asseoir. Les verres qui claquent, là, on le voit évidemment, sa tête s'ouvre encore une fois. C'est ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je fais le pas, là. Encore. Encore du flou et Catherine souffre de troubles paniques. Et dans une file d'attente à l'épicerie. Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Ouais, c'est pas mal angoissant comme public. C'est santé.gouv.qc.ca et leur site web. Si vous l'avez déjà vu, je m'en excuse, moi je l'ai pas vu encore. Je trouvais ça quand même. Non, je l'ai pas vu. Je trouve que c'est bien peut-être de sensibiliser les gens qui comprennent pas nécessairement le trouble anxieux, de faire comprendre. Regarde, si la personne panique. Ben, juge-la pas, là. Elle va faire exprès. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler. T'sais, on va souvent entendre des commentaires. Mais là, t'as juste à pas te sentir de même. T'as juste à penser à l'autre chose. T'as juste à faire. C'est comme toutes les phobies ou les troubles que les gens ont. C'est juste, ben là, elle pas ce trouble-là. C'est comme, elle l'a pas. Ben, c'est un peu comme. Un peu à Fort Boyard, ils vont souvent confronter les gens à leur phobie. C'est comme, voyons donc, c'est un serpent, il va pas te mordre. Tu sais, il t'aurait pas envoyé là si c'était pas dangereux. Ouais, mais c'est mais parce qu'il a peur. C'est viscéral. Tu le choisis pas. Hein, les gens, hein, les gens. Un groupe français dénonce une taxe rose. Les femmes françaises paieraient-elles plus que les hommes pour les produits équivalents? Le gouvernement enquête à la suite d'un scandale déclenché par un groupe féministe. Le journal Le Parisien parle de taxes invisibles qui seraient imposées aux femmes. Le groupe féministe Les Georgettes Sand a arpenté les rayons des supermarchés et des pharmacies pour examiner les produits, puis les comparer. Elles exposent leurs trouvailles sur la page Tumblr Woman Tax, que vous pouvez retrouver sur womantax.tumblr.com. Dans la grande majorité des cas, les articles féminins sont plus onéreux que leurs contreparties masculines. On voit d'ailleurs en image, en tête d'article sur assemblagerequis.com, oui, que les rasoirs jetables à tête fixe, à deux lames, sont 1,72 en emballage bleu pour les hommes et 1,80 en emballage rose pour les femmes. C'est les mêmes rasoirs physiquement. Avec, mais attends, à préciser, il y en a 10 dans l'emballage pour les hommes et 5 dans l'emballage pour les femmes. J'avais même pas vu ça. Et c'est plus cher. Mais ça paraît que... C'est moi qui magasine là, les trucs comme ça. Tout à fait. Dans la vie. Là. C'est un excellent, excellent point. Donc, tu as le double pour moins cher dans le paquet pour les hommes. C'est encore pire. Incroyable. Donc, à la suite du scandale provoqué, le gouvernement français enquête et depuis, une pétition contenant près de 20 000 noms a été adressée aux géants du commerce Monoprix en France. C'est quand même... C'est une bonne chose. Ben, mais ça. La ville de Montréal est en campagne pour le civisme maintenant. Une nouvelle offensive de la ville de Montréal conçue avec Boulevard, BLVD, porte sur la responsabilisation citoyenne. Sous la forme de 4 capsules vidéo, l'initiative vise à inciter de façon originale les citoyens à mettre en pratique les valeurs comprises dans la charte montréalaise en privilégiant le civisme et la responsabilisation individuelle et collective. Les thèmes abordés sont l'utilisation responsable de l'eau, le partage sécuritaire de la voie publique et la préservation du mobilier urbain et le maintien de la propreté. Les capsules invitent les Montréalais à adopter un comportement responsable afin de préserver et d'améliorer la qualité de vie pour les citoyens de la métropole. On dit notre rue, on la veut sécuritaire. Donc, on va entendre la première version, le premier message. Bref, que vous pouvez aussi retrouver sur assemblagerequis.com en image. Mais comme toujours, on essaie de vous décrire ça. On voit un enfant, non, une femme à vélo. Elle avait l'air d'un enfant quand elle était plus bas sur son vélo. Donc, une femme qui fonce dans une porte et se défait en billes. Non, mais j'ai des belles petites boules. Des belles petites billes. Notre rue, on la veut sécuritaire. L'autre, c'est notre rue. Oh, on ne veut la gaspiller. On ne veut pas la gaspiller. Donc, quelqu'un arrose son asphalte avec des bottes d'eau. Une chance de préciser qu'il y avait des bottes d'eau. Ben, sinon, hein. Et le gars se noie dans sa propre flaque d'eau. Ben, il mérite rien que ça. Ben, tout à fait. Le civisme, qu'est-ce que ça dit ici? Le civisme, un droit, une responsabilité. Voilà. Ça va vite des 15 secondes, on n'a pas le temps de lire rien. Notre mobilier, on ne veut pas l'abîmer. Donc, quelqu'un est en skateboard, en roulis-roulant, en planche à roulettes. Oui, merci. Il monte sur un banc de parc. Et le banc de parc se défait en brin de scie. En Skittles. En Skittles. Notre mobilier, on ne veut pas l'abîmer. Le civisme a droit à une responsabilité Montréal. Et finalement, notre ville, on la veut propre. Donc, un jeune homme avec un hoodie et une bouteille de spray dans la main. Il va faire des graffitis sur un mur. Et de la peinture lui coule dessus et le gars s'effondre et ne reste que ses vêtements. Notre ville, on la veut propre. Le civisme a droit, une responsabilité. Ouais, mais si elle veut le propre, arrêtez de vider de la peinture sur le monde. Moi, ouais, c'est ça. C'est quoi, là? Vous avez sali la ville pour cette pub-là, bande de malpropres. Ça devait être du lait, je sais pas. C'est bien. Pour vrai, ça méritait pas vraiment plus que 15 secondes. Je pense qu'un 30 secondes aurait été trop. On pourrait peut-être en mélanger plusieurs ensemble, peut-être en faire deux à la fois pour mettre un petit peu de variété. Oui, probablement. Mais quand même, c'est une bonne idée. Voilà. Maintenant, Gap rencontre l'art contemporain pour les fêtes. Gap poursuit avec sa plateforme Dress Normal dans cette série de pubs qui, ironiquement, est plutôt surréaliste. Donc, chandail dansant, mitaine perchée sur des essuie-glaces, leggings marchant sur un tapis roulant, la série réalisée avec Whedon Kennedy New York a de quoi laisser perplexe. Il y a aussi un jeu en ligne qui utilise une webcam. C'était conçu pour l'occasion. Il permet aux propriétaires de chandail rayés de jouer avec leurs propres rayures de chandail. Donc, c'est des courtes vidéos qui font suite aux publicités de Noël réalisées par Sofia Coppola, qui était parue récemment. Donc, on va aller regarder ça encore. Cette publicité de Gap qui rencontre l'art contemporain. C'est là que ça se passe. Sweater Dance, c'est la première. This is how it's going down. On dirait des chandails suçon. Oui! Donc, c'est des chandails à manches longues sur des bâtons. Et ils font juste se brasser un peu. Et c'est pas mal, ça. Je sais pas si tu connais l'humoriste Sylvie Tourigny, avec le personnage de Carole. Oui. Dans son col roulé. Bon, les chandails dansent exactement de la même façon que Carole, avec les bras qui revolent un peu. Je trouve ça très drôle. Le prochain, c'est Lightning Scarves. Donc, avec des foulards, on voit un nuage de mousse. Exactement comme dans l'annonce de Skittles. Ah, OK. Et t'as on pas voit vu des... l'annonce de Skittles avec le nuage? Pas celle-là. Le nuage fait sortir des foulards, donc les foulards sont placés en éclair en dessous. C'est cool. C'est juste des 15 secondes, encore une fois, des 20 secondes, excusez-moi. Ça passe très vite. Le prochain, c'est Jacket Drones, donc des drones, évidemment. Un peu comme des genres d'avions téléguidés, mais... les avions, les drones, traînent un manteau avec un petit col en fourrure. C'est pas mal ça. Gap Dress Normal. C'est un peu plate, celui-là. Un peu plate. Il y en a plein d'autres. Il y a le Sweater Speaker, ou une veste sweater est portée par un haut-parleur et la musique joue dans le haut-parleur. Il y a tellement de bass que la veste bouge. Bien sûr. It's bouging! It's bouging. It's bouging. Il y en a vraiment plein d'autres. On pourrait continuer longtemps, mais c'est le fun. C'est simple. Des petites publicités comme ça qui pourraient devenir peut-être virales. Ouais, c'est quand même sympathique. C'est sympathique. C'est The Gap Dress Normal. Ensuite, un gros brouhaha pour Keurig 2.0. Keurig qui a dévoilé son nouveau système d'infusion et qui a créé la surprise dans une campagne signée Sid Lee. La campagne... voilà ici. La campagne Keurig 2.0 est déployée avec des activations télé, numériques et en affichage, en plus d'événements consommateurs et du lancement de l'incroyable jeu, l'incroyable brouhaha. De plus, Keurig a surpris les gens présents au Dundas Square de Toronto le 16 octobre dernier en leur faisant vivre l'expérience du brouhaha. Ainsi, ils ont pu essayer gratuitement le nouveau système d'infusion. En appuyant sur le bouton d'infusion, quelques chanceux ont déclenché un véritable brouhaha musical composé de musiciens, danseurs et fanfares. Événement imaginé par Sidley Montréal et Celsius Communications. Donc, allons entendre et voir ce gros brouhaha dans le Dundas Square. Ici, juste là. 16 octobre 2014. Donc, on voit un centre-ville bien rempli avec des gens qui marchent, des musiciens de rue assis sur le trottoir, des zones de la construction au coin de la rue, des gens qui parlent à un café. Donc, nous avons invité les gens à essayer le nouvel infuseur Keurig 2.0. Le café coule dans un verre, donc certains recevaient une tasse de café gratuite. Des gens pigent dans un panier, certains gagnaient l'infuseur, la machine elle-même. Donc, ils arrivent avec une boîte avec le Keurig 2.0. Et certains avaient encore plus que ça. Donc, ils mettent leur petit cop dans la Keurig, on ferme le couvercle. On appuie sur le bouton. On imite le bruit des gouttes qui tombent avec une cuillère sur une tasse. C'est les gens qui étaient assis au café, les musiciens du coin, évidemment, qui arrivent avec leur tam-tam. Ça, moi, je me sauve. Ça m'arrive. Ah! Tellement. Le gars fait « OK ». Les hommes de la construction frappent sur leurs barouettes et leurs poubelles. Les hommes d'affaires claquent leurs valises. Il y a des gens qui sortent du toit de la grosse machine Keurig 2.0. Il y avait une espèce de boîte qui tenait la machine. Boîte noire. Il y a des gens sur le toit. Une grande fanfare arrive. Des gens déguisés là, en rouge et blanc. Comme dans une fanfare, quoi. Oh! Et on voit que ça n'arrête jamais. Ils sont beaucoup trop heureux. Oui! Ben, c'est ça que ça fait le café. Bon. La vidéo complète sur assemblagedrequis.com, bien sûr. C'est plus intéressant à voir qu'à entendre, mais moi, j'aime bien entendre aussi. Ben, moi, je te dirais que c'est pas quelque chose qui m'allume vraiment du tout. Non? Moi, ça m'arrive, je trouve ça horriblement désagréable. Et c'est un peu du déjà vu, là. Un peu, oui, c'est sûr. C'est arrivé à plusieurs reprises. Oh, tu fais quelque chose, puis là, les gens du décor se mettent à danser puis à chanter. On dirait une demande en mariage, là, qu'on a vu 40 fois facile. À la fin, t'as juste un gars qui arrive puis qui passe le balai, comme à la fin, tu sais, comme pour vraiment fermer la parenthèse, pour faire comme on est de retour à la normale. Et le slogan, j'aime bien le slogan, c'est la nouvelle Keurig 2.0 crée un brouhaha, mais brou, B-R-E-W, tu sais. En anglais. C'est comme de l'infusion. En anglais. En anglais. C'est comme moins... ça, c'est juste berrouille que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas vraiment rapport en français. Bref, Keurig 2.0, J'aurais aimé mieux gagner la Keurig que gagner une fanfare. J'avoue, gagner une Keurig serait parfait, ça. Tellement. Mais là, avec leur nouveau système de protection de leur petit cop, là, que tu peux pas utiliser d'autres sortes, parce qu'avant, tu pouvais utiliser d'autres marques, là. Et maintenant, c'est comme protéger un code barre dessus, je sais pas trop. Je comprends pas. Tu peux pas utiliser les copes de d'autres compagnies. Il y avait des compagnies qui créaient des copes qui n'étaient pas du Keurig nécessairement. Donc, le Keurig a comme mis un genre de verrou numérique sur leur petit cop. Tu peux juste les utiliser avec la machine puis leur cop Keurig. Genre. C'est normal parce qu'ils veulent protéger leur marque. Mais je comprends pas les autres marques. Il y avait apparemment d'autres marques de copes de la même forme, perçables de la même façon. Pareil, mais c'était pas Keurig. Ouais, mais faites pour les Keurig. Faites pour les Keurig, mais pas par Keurig. Tu comprends ça? Ok, fait pas que des là... Tassimo dans une Keurig, mais juste. Non. Mais oui, mais là, je veux dire, c'est parce que Keurig en tant que tel, en fait, moi, j'ai juste vu des marques différentes, par exemple Starbucks et tout ça. Non, ça, c'est associé à Keurig. Ouais, c'est ça, c'est super compliqué, mais dans le fond, la marque, tu peux avoir une association entre, mettons, Starbucks et Keurig. Donc, Starbucks va fabriquer, en fait, Keurig, j'imagine, fabrique avec les grains de Starbucks, peu importe comment leur association marche, et ça, c'est légal. Mais il y avait des compagnies autres que ça qui n'avaient aucun rapport avec rien, qui n'avaient pas d'entente signée avec Keurig, mais faisaient des câbles du même format. Est-ce que tu as des exemples? Non, mais il y en avait. C'est pour ça qu'il y a un verrou maintenant. Ah, il y a un petit code dessus. Ça change absolument rien pour moi. Pour toi, non, moi, c'est ça. Mais je le disais de même. T'sais. OK, non, mais je voulais juste être certaine de comprendre. Tu peux acheter sur eBay ou sur Amazon, tu peux acheter des copes de d'autres marques. D'accord. C'est bon. Mais merci pour, de m'avoir demandé l'explication, finalement, parce que ça devient un petit peu plus con, un petit peu plus simple c'est à comprendre. C'est vrai que c'était con. C'était con. Une campagne maintenant de réseau contact qui s'attaque aux clichés. Ah. Ouais. Donc, nouvelle offensive de réseau contact. On connaît tous le site de rencontre, je pense. Donc, signé Terrain, qui veut réaffirmer le positionnement du site de rencontre, porté sur la signature de vraies histoires, de vraies rencontres. L'opération se décline à la télé, en affichage sur le web et dans les médias imprimés. Dans les affichages de panneaux publicitaires en ce moment sur assemblagerequis.com, on voit une photo d'un couple qui se promène dans une épicerie quelconque. Anonyme. Personne qui fait ça. Personne. Puis la fille est dans le panier. Et le gars pousse, puis tout le monde est ben heureux. Hein? Ça dit, donc, il y a un collant dessus, réseau contact, qui dit « Faire une balade romantique en panier d'épicerie avec une boîte de thon plantée dans les côtes et un sourire radieux accroché au visage, ça n'arrive pas. » Tu vois, on s'attaque aux clichés, donc ça n'arrive pas. C'est ce qu'on fait. On montre que ce genre d'image-là, c'est pas vrai, alors que réseau contact est vrai. On écoute la version 30 secondes de réseau contact. Des gens, un couple assis autour d'une table. Avec un gros spag boulette. Mais ça a l'air bon. Ils sont assis côte à côte et non pas face à face. Ce souper romantique pourrait être un souper romantique. Et ils mangent le même spaghetti. Ils vont sûrement avoir la main, ouais. Ce sont des comédiens qui ne se connaissent pas. Ils n'éprouvent aucun plaisir à être assis en Indien depuis 2 heures. Et ça fait 34 fois qu'ils refont la même scène à cause du spaghetti qui casse toujours. Pour vivre votre histoire, il y a Réseau Contact. C'est bien. 18 ans et plus seulement. Ouais. L'inscription est gratuite. Je trouve ça quand même original, moi. Il y a une version web de 15 secondes. C'est la même, sûrement. En réalité, Paul et Ingrid sont des comédiens qui ne se connaissent pas et n'éprouvent aucun plaisir à être assis en Indien depuis 2 heures pour recréer un souper romantique. Ah. Pour vivre votre histoire, il y a Réseau Contact. J'approuve celle-là, je l'aime bien. Moi. Ouais, moi, je trouve ça bien. Pas mal de fun. Réseau Contact. Transat a invité des passants à vivre une expérience typiquement cubaine lors d'un coup d'éclat signé Dan Subas et déployé dans les rues de Toronto. Un taxi spécialement aménagé, peint aux couleurs de Transat et conduit par un chauffeur comédien a pris à bord des clients confrontés à des situations cocasses inspirées de la réalité cubaine, dont des amis qui partagent le taxi, invitation à chanter, à danser, départ vers l'aéroport plutôt que vers la destination prévue. Ceux qui ont accepté de se prêter au jeu ont été récompensés d'un forfait vacances tout inclus d'une semaine pour 2 personnes vers Cuba. Rien que ça. Quand même. Hein? Donc, on va pouvoir écouter cette publicité-là. Fuck la Keurig. Laisse donc faire tes niaiseries de café. Je vais aller chercher mes grains directement à Cuba. Donc, on écoute ça. C'est pour l'annonceur Transat. C'est Cuban Taxi Surprise. On voit un matin ordinaire. Mais pas un taxi ordinaire. Mais non, il est beau, il est bleu pourde. C'est vrai qu'il est bleu pourde. Un gars avec un cigare et un chapeau, tout ce qui est plus cliché. Fait signe aux gens, voulez-vous monter? ceux qui sont montés, donc qui ont mon, en tout cas, avaient le droit à une surprise. 315 rue Queen. Le gars répond, je viens de Cuba. On voit son permis de conduire qui prouve qu'il vient de Cuba. Il s'appelle Antonio Banderas, pareil comme l'acteur. La fille leur parle. Quelle voiture voulez-vous aller? Ok, allons-y. Et là, il rencontre plein de ses amis ou je sais pas trop quoi. Fait que là, il arrête tout le temps. Allez, monte le gars avec sa guitare ou je sais pas quoi. Bonjour, ça va? Hey, salut, Chosebin, monte aussi. Hey, ça va, puis il sort la main, ça arrête plus. Ça doit s'appeler Juan Perez. Juan Perez, exactement. Michel Tremblay. Donc là, ils font le tour de la ville, mais ça arrête pas d'embarquer du monde, des amis. Puis ils jouent de la musique, il y a un petit maracas. Ils demandent à la fille, allez, joue du maracas, toi aussi, joue du maracas. Elle devait pas être pressée pour sourire comme ça. C'est ça. Ah, il y a une ligne de conga. Fait que là, ils sortent de la voiture, puis ils vont danser le conga, j'imagine. Le petit train. Le petit train. La fille a dit, c'est vraiment bizarre, là, non? Le chauffeur de taxi demande les noms des gens. Tu sais, comme on a pas envie de chasse avec toi, on veut juste s'en aller à notre destination. Ok, les maracas, ça va faire. Ça va faire, les maracas. Oh, et là, l'annonceur à la radio parle du voyage que les gens gagnent. Étant donné que vous avez été de très bons clients, une vacance gratuite juste pour vous. Tout inclus. Est-ce que vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Et prenez ce cigare. Ça, il demande-tu, genre, voulez-vous le cigare pour la vacance? Les vacances? Et bref, tout le monde sort et se met à danser et à serrer le chauffeur de taxi. Conga! Il y a des gens cachés dans la voiture, dans la valise. Oh mon Dieu! C'est de la musique, c'est n'importe quoi. Du soleil pour tout le monde, et le slogan. Évidemment, les gens qui reçoivent la vacance vont aussi dire le slogan. Je te dis n'importe quoi quand un voyage à Cuba tout inclus. C'est Transat Holidays, du soleil pour tout. Ah, j'avais pas catché que le taxi était de la couleur de Transat. Du logo, oui, et de Zone Campus, et de Tourisme Trois-Rivières, et toutes les compagnies à la mode. On continue avec toujours un bloc pub en passant. On parle de publicité, on a encore un petit peu de temps. Des marques qui ont tenté de casser Internet. Est-ce que tu as vu, et là, j'aurais pensé en parler, mais j'en parle parce que ça a rapport, les photos de Kim Kardashian pour le magazine Paper? Non. Non, ben ça a suscité bien des réactions lors de la publication. C'était il y a quelques jours à peine. De nombreuses marques en ont profité pour détourner les images à leur avantage. Donc, c'est on voit notre amie Kim K. Se montrer les fesses est un petit peu genre de côté, puis ses fesses ressortent beaucoup parce qu'elle a un énorme derrière. Et donc, on l'a, c'est tout trempe, puis tout ce qui est plus sexy, cette histoire-là. C'est super beau. Pas vraiment. Donc, pour Paper, si vous n'avez pas vu ça, tapez Kim Kardashian Paper sur Google. Donc, de Budweiser jusqu'au musée métropolitain de New York, quelques récupérations publiées sur Twitter. Donc, on voit entre autres un musée. Au Met, donc le Met Museum, qui a aussi de l'art qui peut briser l'Internet. Donc, c'est à la Galerie 150 où on retrouve une sculpture avec, là aussi, une grosse paire de fesses. Donc, on a pris la photo de façon à ce que ça ait le même angle que Kim Kardashian sur sa photo. Donc, on l'envoie avec le même hashtag, Break the Internet. Et ensuite, il y a Budweiser qui, eux, ils ont mis deux bouteilles de bière côte à côte, une derrière l'autre, pour que le début du goulot en haut ressemble à une paire de fesses. T'sais? C'est quand même le fun. Et Break the Internet, Big Buds. Donc, Big Buds, deux grosses buds au lieu de Big Butt. Chez JetBlue Airways, tiens, ils disent « On n'est pas ici pour casser l'Internet, on voulait juste vous montrer notre queue assez impressionnante. » Donc, eux, ils montrent la queue de leur voiture, de leur vie. Voyons, leur avion. ensuite, après Paper... Le magazine Toasty, c'est Quiznos qui montre deux petits sandwichs sur pain de ciabatta, côte à côte, placés pour avoir l'air aussi d'une paire de fesses. Donc, c'est briser l'Internet, casser l'Internet avec nos petits pains grillés. Mon Dieu! Parce que buns est aussi un euphémisme pour une paire de fesses. Jolly Rancher, les bonbons durs, tu sais, Jolly Rancher. Donc, eux, ben, c'est le bonbon en forme de cerise. Et les cerises aussi ont l'air, elles aussi ont l'air d'une paire de fesses. Donc, Break the Internet. Celle-là est particulière, celle-là. C'est le personnage principal de American Dad. Exactement, American Dad. Stan Smith. Oh, j'aurais pas su, ça, j'aurais pas pu savoir. Stan Smith, donc il sait lui aussi comment utiliser ses fesses. Donc, il s'est mis une bouteille de champagne entre les fesses. Et j'imagine l'a agité de façon intense pour pouvoir s'envoyer le vin dans la coupe qui est située dans sa bouche. Non, sur son menton. Ouais, en effet. Sur son énorme menton. Son énorme menton à Stan Smith de American Dad. Nissan maintenant, qui veut aussi casser l'Internet avec sa grosse paire de fesses, mais à la place d'une paire de fesses, c'est l'arrière de sa voiture. Je sais pas laquelle, mais une Nissan. Donc, le slogan, c'est « Ours is bigger ». Donc, notre derrière est plus gros. Ah, oh, Seigneur. C'est bien. Epoch Design, qui veut aussi casser l'Internet en ouvrant un gros tiroir, parce qu'on appelle en anglais « bunk ». On peut dire un lit, un bunk bed, un lit, comment dire, bunk bed. C'est comme un lit deux étages, si on veut. Dans ce cas-ci, avec un tiroir en bas. Et bunk peut aussi vouloir dire une paire de fesses. Ça fait le tour de ça. Génial. C'est bien. Il nous reste quelques petites actualités. On va y aller avec le fait que 3 Canadiens sur 4 lisent les quotidiens chaque semaine. Ça me surprend. Selon les chiffres de mi-année publiés par NatBank, le total de l'auditoire des journaux en semaine, donc imprimé et numérique, demeure stable malgré la prolifération des choix médiatiques. Près de 10 millions d'adultes âgés de 18 ans et plus dans les 7 principaux marchés lisent un quotidien imprimé ou en ligne chaque semaine, soit 3 Canadiens sur 4 et près de la moitié en lisent chaque jour. Montréal et Winnipeg jouissent du lectorat hebdomadaire le plus élevé, avec respectivement 77 et 83 % des adultes. Ben Winnipeg, je peux comprendre. Pourquoi? Mais il se passe rien à Winnipeg! Il se passe rien! Le produit imprimé demeure la principale source de contenu de journal, puisqu'il représente environ le double de la portée du contenu lu en ligne. En effet, 55% des adultes lecteurs de quotidien ne lisent que le contenu imprimé et 11% le contenu numérique exclusivement. 35% lisent les deux. La portée numérique hebdomadaire va de 29 à 33% des adultes, avec Winnipeg en tête du marché du lectorat numérique. Les 25-34 ans sont plus nombreux, 15% que la moyenne, à lire du contenu strictement numérique. Mm-hmm. Mm-hmm. Logique. Finalement, les Canadiens font peu confiance à la publicité en ligne. 67% ont une opinion quelque peu favorable de la publicité. Celle diffusée dans les médias traditionnels est perçue comme plus digne de confiance selon le plus récent rapport NCP, qui contient pour la première fois des données spécifiques aux francophones. C'est ce que dévoile le plus récent rapport des normes canadiennes de la publicité. Les médias traditionnels, surtout imprimés, restent les mieux perçus en matière de vérité et d'exactitude, avec les annonces imprimées dans les journaux en tête qui obtiennent un taux de confiance de 66%. On retrouve à l'autre bout les publicités de type pop-up en ligne, avec un maigre 10% sur la même échelle. Ça, c'est parce que tout le monde les bloque. Les 7 dernières places de ce palmarès sont occupées par des formes de publicité numérique, par exemple le courriel promotionnel, bannière ou pre-roll, ce qu'on voit avant les publicités sur YouTube, entre autres. 40% des gens ne cliquent sur les publicités en ligne, donc ne cliquent pas. Les francophones sont néanmoins plus enclins à le faire que les anglophones s'ils croient qu'elles ne sont pas trompeuses. 39 contre 28. D'ailleurs, NCP consacre une partie de son rapport à la publicité native, révélant qu'elle demeure méconnue des Canadiens. C'est pas encore arrivé, mais tu sais qu'on a 6 ans de retard en moyenne sur les États-Unis. Donc, ça va venir, j'imagine, dans quelques années. Le contenu natif, ça, c'est du contenu qui a l'air d'un publi-reportage, mais qui est pas tellement clarifié comme étant un publi-reportage, mais en dessous, à quelque part, tu vas avoir un tout petit genre présenté par BP. C'est du contenu natif, mais qui a l'air d'être du journal. Donc, un peu plus de la moitié avait déjà entendu parler de contenu commandité, contenu de marque ou advertorial content, comme on l'appelle dorénavant en anglais. Pourtant, près de 9 sur 10 se disaient dérangés de constater que ce qu'ils croyaient d'abord être du contenu rédactionnel s'avérait être une publicité. C'est des statistiques qui concernent la publicité native en ligne. Les Canadiens demandent plus de clarté concernant les termes utilisés pour distinguer l'un de l'autre. Si contenu commandité et contenu de marque sont compris par la majorité, plusieurs hésitent devant certaines publications qui apparaissent dans leurs réseaux sociaux, entre autres le contenu sponsorisé et des fois pas super clair. Les résultats de leur recherche Internet ou certains suppléments d'informations. Vous pouvez voir le reste du rapport sur assemblagerequis.com. Il y a tout plein d'autres détails. C'est super intéressant. Vraiment? Bon, voilà. C'est j'adore cool. Ça. C'est cool. C'est tout pour le blog pub. Ah, ben tu finis ça assez fort. Abrupt pour point. Comment on pourrait dire? Abrupt pour point. T'aimes ça? Moi, je l'aime bien. On va prendre une pause. Au retour, c'est David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. Oh! Ça va nous coûter cher, ça! Oh! C'est l'assemblage requis. Dans deux instants, abrupte pour toi. Fou d'électro. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Qui nous présente une chose? Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Je pensais que c'était ma pancake au bleuet. Ta pancake, présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, présenté, certains diraient, par le service aux étudiants de l'UQTR. Mm-hmm. Elle est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Marc Leplanc. On est en direct en ce lundi 17 novembre 2014. J'espère que vous aussi, vous remplissez la bouche de bonnes choses, parce que quand c'est important, le déjeuner, hein? Mm-hmm. Le repas le plus important. Ah oui, pancake bleuet et petit smoothie aux fraises. Ça a l'air excellent. Dans quelques instants, un autre gars qui a l'air excellent dans la bouche, c'est David Ferron. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de deux pouilles en cavale. C'est « Ouais, mais là! Ouais, mais là! C'est « Mais là! » Mais là! Mais là, pas! Mais comment, le matin? Voyons, la technique, là. Moi, je pense que c'est un signe du destin. Faut mettre notre tune. Qui est à la technique le matin? Ça n'a pas d'allure. Doit être David Ferron. Doit être ça. C'était Wemela, de deux pouilles en cavale. On reçoit maintenant David Ferron. C'est le moment de sa chronique hebdomadaire, les notes salées. Puis ça va être pas mal juste l'intro. Bonjour, parce que t'as pas en tête de chanter là-dessus. Oh! De la soupe en canne Saint-Hubert. Ça, c'est tellement salé. C'est vrai? Salé. Les herbes du Bas-Saint-Laurent, c'est salé. Oui. Non, je l'ai faite, celle-là aussi. Tu l'as déjà faite? Mais oui. Voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Je faisais mon best-of. Ah, c'était... Veux-tu qu'on le recommande? Non, ça, ça va aller. Donc, c'est les notes salées avec David Ferron. Bonjour, David. Bonjour. Ça va quand même? Oui, je savais pas trop si c'est parce que vous n'étiez pas content que je vienne, que vous saviez pas trop quoi faire dans mon intro. Non, ne nous prête pas des intentions malsaines. On est toujours content de te recevoir, mais malgré ce qu'on te dit en plein dans ta face. Mais c'est pas grave, en fait. J'ai changé d'idée concernant ma chronique. J'ai plutôt décidé de faire un hommage au groupe féminin Brigitte. Le groupe qui chante à bouche que veux-tu là, pendant 6 minutes puis qui est tellement lent. Hey, mais tu sais quoi, Mathieu, quand t'as fait jouer cette tune-là, j'ai fait comme « Ah ben, c'est une tune dans même plus groovy que ce qu'elles ont déjà fait. » Ah, parce qu'elles ont fait d'autres choses dans leur carrière. Oui, de pas mal moins groovy. Oui. De moins groovy, ça. C'est dur à battre parce que c'est vraiment plat. Ah non, je te ferai écouter une de leurs tunes de leur premier album. Vous allez bien dormir. OK, ben tu feras ça à un moment donné, un petit hommage au groupe Brigitte, puis on fera jouer la pièce de 6 minutes. C'est un groupe, ça? Le duo. Ouais. C'est le duo. Duo de filles. C'est Bri, puis Gite. Gite. Ouais. Comme le fromage, puis l'endroit où dormir. Hein? Dans le fond, c'est le centre fromager de la France. Ah, sans blague. Mais c'était pas assez commercial, fait que se sont dit Brigitte. Non, je dis n'importe quoi, j'ai trop d'imagination. Dans le fond, t'es en train de dire qu'il faudrait pas qu'on t'écoute parce que c'est pas vraiment des vraies informations véritables. Non, c'est parce que le problème, c'est que mon imagination est aussi large que le popotin de Kim Kardashian. Ah, wow! Sur une publicité, sur une couverture de magazine. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, ton sujet, ton thème, c'est must. Oui. Toi, tu m'écris ça comme si, genre, ça allait changer quelque chose parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, c'est le fun, c'est intriguant. C'est quoi must? Must. Non, moi, je suis juste insulté parce que je comprends rien. Absolument pas. Moi, tantôt, j'ai dit que c'était sûrement quelque chose de jus de tomate, le clamato must. Ni un ni l'autre. Mais c'est must, hein, je pense. Oui. Ah, je n'avais même pas compris. Mais c'est parce que clamato, c'est une marque. Ah. Ou des clams. Ah, ben, t'es peu. C'est peut-être pas une marque, c'est comme le modèle. Ouais, c'est la version, la sorte. OK. Bon, c'est la variété. Oui, OK. Le parfum. Je savais, oh, c'est une Motte. C'est Motte qui fait ça. C'est Motte, c'est la compagnie Motte, ouais. Ah. Ouais. Ah, c'est le fun, hein? Mais c'est pas Must. Motte. Non. C'est quoi Must? C'était-tu Must avec un U que David a écrit? Ouais. Un U, un S, deux T. Oui, exactement. Donc, Must, qu'est-ce que c'est? En fait, comme la semaine dernière, je vous ai parlé d'une chanson musique du monde considéré comme classique, de Deep Forest, oui, Clos l'abeille. Là, cette semaine, je vous parle de Must. C'est une chanson. Ah, OK. Oui. Je pensais que ta description était finie, puis c'était comme, maintenant, vous comprenez, hein? J'aurais été comme, non. Mais là, est-ce que vous comprenez, Must, c'est une chanson? C'est une chanson, oui. Ouais, mais elle veut dire quoi, la chanson? Ouais. En fait, je sais pas c'est quoi, faudrait que je vérifie c'est quoi la traduction, mais Must, c'est une pièce qui est d'abord tirée de l'album du même nom du chanteur d'origine pakistanaise, Feu Nusrat Fateh Ali Khan. Et l'album est sorti sur la compagnie de disques Real World de Peter Gabriel. OK. Donc, pour reconnaître, je fais une petite parenthèse, pour reconnaître si un album fait partie de la compagnie de disques Real World. C'est écrit dessus? Oui, d'une certaine manière, oui, parce que vous avez une espèce de bande à gauche qui est multicolore. OK. Donc, je vous montre un extrait, mais quand vous voyez cette bande multicolore avec plein de couleurs, c'est Real World, vous êtes sûr d'avoir de la bonne musique du monde de qualité. Un vrai bon produit signé Real World. Exactement, de Peter Gabriel. Donc, le disque Must est aussi, en fait, est produit par Michael Brook, qui joue aussi de la guitare. Et le duo Can Brook va, par ailleurs, en 1996, recevoir une nomination au Grammy Awards pour un autre album, cette fois-ci Night Song. Okay. Donc, la chanson Must sort en 90 et la chanson est remixée par Massive Attack. Et cette reprise, parce que là, vous parliez de publicité depuis plusieurs heures. Une demi-heure, mettons, plusieurs heures. ça a juste commencé. Plusieurs heures. Non, je fais des blagues, mais c'est très intéressant, votre chronique de pub. Merci. En fait... Ça a l'air long dans ta bouche, mais... Ben non, pas du tout. Non, OK. Je prendrai une éternité dans mes oreilles avec vous. Merci. Peux-tu te remettre deux pouilles en cavale? Oui. C'est original, mais en fait, pour revenir à Must, qui est sorti en 90, ça a été justement remixé par Massive Attack. Et ce remix-là, c'est dans une publicité de Coca-Cola. Ah? Oui, en Grande-Bretagne. Et même que la chanson Must remixée par Massive Attack, ça s'est retrouvé dans les palmarès de Grande-Bretagne. Et ça fait en sorte que c'est la première chanson de style Qawwali. Le Qawwali, c'est un style de chanson traditionnelle spirituelle qu'on retrouve en Inde, au Pakistan. Donc, Must remixé par Massive Attack, c'est la première chanson de style Qawwali à se retrouver dans les palmarès britanniques. Et non seulement je vais vous faire jouer la version de Massive Attack, mais je vais vous faire jouer une autre prise et ça vient de la chanteuse de New York d'origine indienne Kiran Ahluwalia avec le groupe blues rock malien Tinariwen. Et ensuite, on va finir le bloc avec une chanson que t'aimes, mais surtout dire, Emmanuel Bazin de Tammy Crest. On écoute les trois de même de suite. Là. Oui. On commence avec Massive Attack dans les notes salées de David Ferron à son âge requis.

C'était Tammy Crest avec la pièce Imanin Baseun, précédée de la pièce Mos Most, reprise par Kiran Aluwalia et le groupe malien Tinariwen. Pourquoi j'ai fait jouer Imanin Baseun? Parce que je trouvais justement que le groupe Tammy Crest ressemblait beaucoup à Tinariwen, qu'on a entendu dans la reprise de Mos Most. Et oui, je vais encore plugger mon émission. Parce que, surprise! Oui, parce que Kiran Aluwalia, cette semaine, je l'annonce en primeur, est en deuxième position avec sa pièce Hayat. Tu dis en primeur parce que l'émission sera diffusée en direct ce soir, lundi, à 18h, ici même sur les ondes du 89 FM, c'est fou. Exactement, t'es tellement bon, ça devrait me remplacer pour mon émission. Mais pas rien. Oui, puis moi, je te fournirai les tunes, tu t'arrangerais avec l'or. Là. Bonne idée. Je fais des blagues, mais pour vrai, t'es vraiment bon pour prononcer des noms que je suis même pas capable de prononcer moi-même. Arrête, je fais n'importe quoi, ça a juste l'air vrai. L'important, c'est d'avoir confiance, David. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est ironique en parlant de moi, mais comme... En fait, c'est ça. Puis ce qu'on a entendu, la première chanson, c'est la version remixée par Massive Attack de Mos Most. Et là, on n'a pas entendu vraiment la version originale de Mos Most de la part, justement, de Nusrat Fateh Ali Khan. Donc, on va entendre un extrait de 15 secondes. On écoute ça. Attention. Mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali. Ça manquait d'un petit quelque chose de plus qu'on a mis dans les remixes, mais j'aime bien quand même. Ouais, mais il y a le petit côté funky de la base aussi. Mm-hmm. Puis il y a même le réalisateur de Twin Peaks. Comment il s'appelle déjà? David Lynch. Ouais, c'est ça. Lui, il a lu... Ouais, exactement, David Lynch. Il a louangé l'album de Mos Most. Mm-hmm. Donc, il y a eu plusieurs chroniques comme quoi Mos Most est un disque marquant parce que c'est un des premiers albums qui fait du ce qu'on appelle du R&B fusion, c'est-à-dire qu'on mélange de la musique populaire occidentale avec la musique du monde. Mm-hmm. Et Mos Most a été un des premiers albums et c'est pour ça que c'est considéré comme un album dans la musique du monde marquante. Ouais. Parce que ça marque notamment aussi les débuts de Peter Gabriel avec son Real World aussi. Là. Est-ce que c'est, tu disais l'étiquette, c'est son étiquette à Gabriel, c'est Real World? Ouais. Est-ce que c'est genre Real comme genre Gabriel, R-I-E-L, World? C'est un jeu de mots? Oui, ben c'est un beau jeu de mots, mais en fait, c'est comme vrai monde. Ah, okay. Le vrai monde. C'est un jeu de mots, ça aurait plus cool. Comme le vrai monde de Charlotte. Oui, avec... L'araignée? Oui, OK. Toi, tu vois le film avec l'araignée. Moi, je pensais à Le monde de Charlotte avec Catherine Brunet. Ah oui, c'est vrai. Non. Ah, peut-être, oui. C'est inconscient. J'ai fait de quoi? Mon inconscient, ça fait de pop. Je pense qu'on pourrait dire qu'on reçoit ton inconscient chaque semaine à la chronique Les Notes Salées, David. Moi, en fait, je suis dans un coin de mur et mon inconscient fait la chronique c'est à ça. Ma place. T'as-tu dit les pinottes salées? Les pinottes salées. C'est parfait, ça. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est mon inconscient, je pense qu'il a faim. Allons déjeuner entre inconscients. Yeah! On te lance des pinottes. Comme un éléphant. Ouais. Donc, David, est-ce que c'est tout pour toi aujourd'hui? Ben, pour l'instant, oui. Ah non, c'est vrai, j'avais une tonne de Brigitte. De Brigitte? Tu veux qu'on joue... Est-ce que tu veux qu'on joue une chanson de Brigitte juste pour toi? Non, c'est une blague. Non, mais pour vrai, je vais te l'offrir si tu la veux. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça? Si je t'afforce, est-ce que tu vas la prendre quand même? Ben, si toi tu dis, je vais la jouer, fais-le. Okay. Je suis consentant. D'ailleurs, c'est quoi cette discussion-là? Je suis ma propre personne et je vais choisir de te jouer cette chanson de Brigitte parce que tu nous as parlé tantôt puis les gens sont peut-être curieux. Okay. Rappelle-nous ce que c'est, Brigitte. C'est un duo féminin de France. En fait, ce que j'aime de ce groupe-là, c'est pas nécessairement la mélodie en tant que telle, mais c'est les harmonies vocales. Je trouve vraiment que les deux, l'harmonie vocale est quand même très bien. Harmonieuse, j'imagine. Faudrait qu'ils sortent un album a cappella, finalement. Peut-être. Ouais, mais avec plus de beat dans la voix. Faudrait qu'il y ait un featuring de Mister Valère comme toutes les chansons de ce moment. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. Va bien, ouais. Donc, écoutons Brigitte, puis on te dit à la semaine prochaine, David Ferron avec les notes salées. Excellent. Merci de m'avoir accueilli, Steph et Mathieu. Plaisir. Yes. On était comme très duo féminin français sur notre plaisir. Ah. Mais j'étais masculin. Plaisir! Ça, c'est moins beau.

gentillesse, tendresse. M'aimeras-tu demain? Fais-moi la tendresse. À la même adresse. Brigitte et la chanson À bouche, que veux-tu? Suggestion forcée de David Ferron. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te forcer à la passer. Mais t'étais pas obligé, j'ai dit. Ah, c'est pas moi qui décide, c'est notre station montréalaise. Au retour, une dernière demi-heure de C'est un fait à Assemblage Requis. Une première aussi de C'est un fait. Oui, une dernière demi-heure, mais composée. Une dernière demi-heure d'Assemblage Requis composée de... Une première. C'est comme les cornets, c'est composé de sucre. Il y en a avec du sucre complet, puis avec de la tire d'érable, puis l'autre, c'est composé de... Composé de... Nous autres, produits de pâtisserie. C'est exactement ça. Au retour. The Rock. 89. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées à la Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Il nous reste une dernière demi-heure d'émission et elle commence à l'instant, cette demi-heure-là, parce que dans 20 minutes environ, ça va être les gars de Génie en liberté. Donc, on voudrait pas brimer leur droit de s'exprimer sur leurs opinions de droite. D'ailleurs. Ça me fait bien rire, parce qu'ils sont tellement de droite. Donc, Génie en liberté dans une demi-heure, mais pour l'instant, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Oh yeah. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On va en faire le plus possible dans le temps qui nous reste. Commençons avec un matériau. Hein, qui va changer la baignade pour toujours, potentiellement. La baignade? La baignade. Ah, oui. De l'eau qui noie pas, peut-être? Ben, pas vraiment, là. Du jello. Genre, mais pas vraiment. Donc, les scientifiques du Danemark ont créé un matériau qui absorbe, emmagasine et relâche de l'oxygène. Les scientifiques ont créé ce matériau-là en manipulant la structure moléculaire du cobalt. Donc, quelques grains, en tant que tels, vont pouvoir emmagasiner assez d'oxygène pour la respiration humaine. Donc, un seau de ces grains-là pourrait emmagasiner l'oxygène d'une pièce au grand complet. Les scientifiques espèrent utiliser ce matériau-là pour des raisons médicales, bien sûr. Ça permettrait aux patients, qui ont besoin d'oxygène dans leur vie de tous les jours de se promener sans avoir un gros tank à oxygène dans le dos. Les gens qui font de la plongée, eux, pourraient utiliser ce matériau-là pour absorber l'oxygène de l'eau et donc aller dans des expéditions plus longues. Mais c'est normalement fun, ça. C'est pas encore disponible pour utilisation commerciale, mais on fait toujours de la recherche sur ces matériaux. Et t'as dit c'était le... C'était dérivé du cobalt. Ah, ouais. La voiture? Non, le matériau. Okay. La structure moléculaire du cobalt. Un photographe taïwanais est tombé sur une plage par hasard. C'est M. Will Ho qui a découvert cette plage-là lors de ses vacances dans les Maldives. Donc, si vous allez voir les photos sur assemblagerequis.com, vous allez voir que la plage s'est remplie de bleu sur le bord de l'eau. C'est du bleu phosphorescent presque. Donc, ça ressemble à quelque chose qui sortirait d'un film. Donc, c'est en fait le résultat des phytoplanctons. C'est des organismes. C'est vraiment glow in the dark. Ça brille dans le noir. C'est des organismes qui sont trop petits pour être vus à l'œil nu. Ça contient des enzymes, les mêmes enzymes en fait que les lucioles, ce qui leur permet donc de briller dans le noir. Elles brillent lorsqu'elles sont stressées ou dérangées par quelque chose comme une vague d'eau. Donc on peut les voir sur le bord de plusieurs plages dans le monde. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est impressionnant. Ça fait un beau fond d'écran. c'est vraiment spécial. Hein? C'est joli. Ensuite, ça, les algues bleues? Non, bleu fluo, genre, pour différencier. C'est les... maintenant, de petits habitats, c'est le Pallet House Project qui était démarré ou commencé par iBeam Design. C'est une firme de design et d'architecture basée à New York qui a été frappée, cette firme-là, par le fait que 84% des réfugiés du monde entier pourraient avoir un toit, une maison à faible coût. Si on se forçait un peu. Donc, iBeam vend des diagrammes de construction, des matériaux et une liste d'outils, des plans, tout le design, tout est inclus pour $75. Donc, ce que iBeam a créé peut être construit à partir de, tu sais, les palettes d'expédition, c'est les grosses palettes ouais, de bois ouais. Qu'on voit dans les épiceries des fois en public, c'est pas mal là qu'on les voit, sinon dans les magasins grande surface à bas prix, genre Ikea, mettons. Bas prix, bof. Moyen prix. Enfin. Donc, les grosses palettes de bois, c'est avec ça qu'on crée ces maisons-là. Tu as vu sur les photos, il y a des trucs de... comment t'appelles ça? Ben, le soleil. Là. Des panneaux solaires. Panneaux solaires, allô? Des panneaux solaires. Donc, les petites maisons qui ressemblent à des cabanes en bois rond, mais avec du bois plat, parce que c'est des palettes d'expédition. Ça peut être mis à jour ou mis à niveau pour inclure l'eau courante, le chauffage ou encore l'air climatisé. On peut construire ça pour environ, en dessous, en fait, de 100$ par à peu près n'importe qui. Donc, on a dit 75$ pour le kit qu'on a mentionné au début avec les plans et tout ça, à l'élévation et tout. Et les matériaux devraient coûter donc 25$. Mais ça, il n'y a pas de fenêtre et il n'y a pas de porte, là. Non, mais il y a un petit peu de lumière qui rentre entre les planches. Non, mais je veux dire, il y a des fenêtres, il y a des trous, mais il n'y a pas de vitres dans les fenêtres. Il y a des portes, mais c'est des trous. C'est ça. Donc, on s'entend, c'est peut-être pas pour l'hiver ici, là. Non, vraiment pas. Dommage, c'est... parce que moi, je me serais fait un chalet, là. Clairement, maison de vacances. Là. Le terrain m'aurait coûté plus cher que le chalet. On dit que c'est super flexible, donc il n'y a pas deux cabanes qui vont se ressembler. IBM a développé des structures d'assemblage qui ressemblent à du Ikea. Donc, n'importe qui pourrait construire ça assez facilement. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Impressionnant. Ouais. La maison de cet homme est si simple, mais attendez de voir l'intérieur, comme diraient tous les articles super sensationnalistes du web. Donc, le designer web Alek Lisevski n'était pas intéressé par les prix beaucoup trop élevés de location et d'achat de maison pour être propriétaire de sa maison. Donc, il s'est construit une maison minimaliste, mais pas avec des palettes d'expédition, pas du tout. Il a construit ça sur un trailer. Ah? Un trailer. Il peut promener sa petite maison? Il peut promener sa petite maison. Ah. Donc, petite maison toute petite, avec une cuisine complètement fonctionnelle, une salle de bain, un endroit pour s'asseoir, donc un genre de salon, et une salle à coucher, une chambre à coucher, au deuxième étage. Hein? Oh, oui. C'est donc, bien fait. C'est cool. Hein? Lisevski, qui a été capable de construire sa maison de rêve lorsque sa copine Anjali, attends un peu, a été capable de la construire avec sa copine Anjali, et il est capable de voyager partout au pays. Donc, avec sa maison. Lisevski dit que vivre dans un petit espace force le couple à vivre une vie plus simple. Son site web, c'est The Tiny Project, où il vend un livre avec des photos à l'intérieur. Et les plans de construction aussi sont vendus sur son site web. C'est vraiment une très, très belle petite maison. C'est bien décoré, c'est très épuré. C'est vraiment beau. Mais la cuisine est trop petite pour moi. c'est sûr. C'est pas pour faire du MasterChef, là, c'est le Tiny Project. Juste le fait que ce soit transportable, ça pourrait être aussi une autre idée de chalet. Mais c'est vraiment très, très beau. Là. C'est chaleureux. Oui. T'as le goût de t'en mitoufler. Cozy, comme on appelle. C'est confortable et douillet. Douillet, c'est le mot que je cherche. Ensuite, est-ce que tu connais la série de livres Red Wall? Non. En français, c'est Rouge Muraille. Non plus. Ça, non. Donc, c'est Brian Jacques qui est l'auteur de cette populaire série de livres pour enfants avec plus de 20 millions d'exemplaires qui ont été publiés. Donc, M. Jacques, qui était vendeur, en fait, c'est un... Tu sais, là, dans le temps, on livrait du lait. Oui, oui. Donc, c'était le laitier, à la fin des années 80. Un de ses arrêts était à l'école Royal Waverley School for the Blind à Liverpool, donc une école pour enfants aveugles. Il est devenu ami avec les enfants. Il a commencé à leur lire des histoires. Mais ça le frustrait que la littérature, les livres, étaient un peu... c'était pas très descriptif, finalement. Mm-hmm. Donc, les enfants qui devaient se fier sur leur propre imagination, comme la plupart des gens, on doit se fier sur notre imagination lorsqu'on lit. Mais eux, étant donné qu'ils n'ont pas les éléments du vrai monde sur lesquels se baser pour avoir les images qui doivent être créées par la lecture du livre... Ben, eux, ça n'allait pas aussi loin que pour nous, ouais, parce qu'on connaît les éléments. Bien entendu. Bon. Donc, pendant les 7 mois suivants, il revenait à la maison tous les soirs pour écrire une partie de son histoire d'aventure mystique, mystérieuse et mystique. Des histoires qu'il écrivait pour ses enfants-là. Il essaie de décrire les situations le plus possible. Tu sais, c'est à la limite d'être du braille tellement qu'il décrit ça en long et en large. Donc, il a écrit une histoire de 800 pages à la main sur du papier recyclé qu'il gardait dans un sac d'épicerie. T'sais? Donc, ça se passait à l'époque médiévale et ces histoires parlaient de l'aventure d'une gentille petite souris, des écureuils qui protégeaient Redwall Abbey, donc Rouge Muraille du titre. Les souris sont ses héros à M. Jacques parce que, comme les enfants, les souris sont petites et doivent apprendre à devenir courageuses. C'est beau. C'est pour ça que c'est une petite souris dans Rouge Muraille. C'est beau. Par Brian Jacques. C'est super mignon. À chaque année, c'est des gens qui vont aller camper dans de drôles d'endroits. C'est l'Annual International Highline Meeting dans les Alpes italiennes. C'est pour vrai. Ça a l'air super dangereux. Allez voir les photos. Depuis chaque année, depuis 2012, les athlètes extrêmes et les gens qui marchent sur des fils d'acier. Donc, vont s'en aller à Montepiana, qui est situé dans les Alpes italiennes. C'est l'endroit parfait apparemment pour ce sport-là, parce que l'endroit est accessible et la vue est imprenable, comme on dit. Donc, les athlètes passent une semaine à pratiquer ce sport-là et ensuite, ils vont se rendre sur des fils d'acier. Ils vont marcher premièrement sur des fils d'acier, attachés aux fils d'acier, et vont ensuite attacher un hamac à ces fils-là pour se pendre dans les airs et regarder en bas. Ils sont malades mentales. Ils sont malades. Jamais je ferais ça. Mais ils embrassent la nature et les vues extraordinaires des Alpes italiennes. Pour vrai, les photos sont super impressionnantes. Là, mais oui, vraiment. C'est quelque chose. Aïe, aïe. Des hamacs. C'est pas, je veux dire, c'est haut comme c'est pas possible. Puis est-ce qu'une fois qu'ils sont dans le hamac, parce que l'hamac est attaché, mais ça, est-ce qu'ils sont attachés au hamac? Ben oui. Okay, ils sont attachés après la corde. Okay, phew. J'ai de la misère à regarder les photos trop longtemps, fait que je veux pas tout suranalyser. tu connais l'acteur américain Robin Williams? Robin Williams, tu connais Robin Williams? Oui, bon. Bien sûr. Donc, pour faire un bon film, on a besoin de plusieurs choses, que ce soit la performance des acteurs, les réalisateurs et encore les scripts. Évidemment, tout ça est important à différents niveaux. Dépendant des gens, il y en a qui vont dire que les acteurs sont plus importants. Moi, je dis que le script est numéro un, ensuite les acteurs, ensuite les réalisateurs. Mais bon, ça dépend des gens. Mais peu importe, même si un acteur est vraiment bon, lire un script, c'est pas toujours naturel. Et des fois, il faut ajouter un petit peu d'improvisation, des tournures de phrases particulières, et des fois, le réalisateur va être assez intelligent pour laisser l'acteur improviser un peu. Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Robin Williams dans le film Good Will Hunting, le décès de Will Hunting. Okay? Ah. Donc, Good Will Hunting qui a gagné, ou encore qui a été nominé pour plusieurs prix, entre autres, meilleur acteur de soutien, un Academy Awards, un Oscar pour Monsieur Williams. Donc, Williams, qui est humoriste, acteur, comédien, tout ce que vous voulez, et qui est très bon en improvisation, Colin, il n'a pas déçu dans ce film-là, parce qu'une scène mémorable du film, c'est lorsque le personnage de Matt Damon, Will, est en thérapie, et que le personnage de Robin Williams, Dr. Sean Maguire, donc dans le fond, Williams, l'acteur Williams, donc son personnage Sean Maguire, commence à parler des petits défauts de sa femme, dont le fait qu'elle pète au lit, t'sais. Et ça, c'était improvisé, complètement. Et le rire incontrôlable de Matt Damon est sa vraie réaction dans le film. Ah, oh, c'est donc bien le fun, ça. Il a été pris par surprise complètement. Et c'est pas le seul. En fait, Matt Damon, il promet que si tu regardes le film de très, très près, tu peux voir que la caméra bouge un peu parce que le caméraman t'entraînerait. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ça a été stabilisé par à la suite? Je sais pas, mais il dit ça. Ben, ça donne le goût d'aller voir ça juste pour la scène. Parce que moi, j'ai pas vu ces films-là, malheureusement. J'ai pas vu non plus. Non. Je suis très pas connaisseur de films du tout. Williams a aussi improvisé la dernière réplique du film. Je sais pas c'est quoi. C'est sûrement quelque chose de super touchant. Donc, ça le dit pas dans l'article pour pas voler de punch. Ben Affleck. Ben Affleck et Minnie Driver ont aussi improvisé un petit peu leur personnage dans le film Good Will Hunting. Ensuite, tiens, on retourne sur la plage. Un artiste en Californie, Andres Amador, qui embrasse la nature, comment dire, qui disparaît assez rapidement de l'art et de la vie. Donc, c'est qui fait de l'art qui ne dure pas longtemps. C'est éphémère, si on veut. Il appelle ça des playa paintings. C'est des œuvres d'art visuel à grande échelle. Et quand même assez compliqué. Il utilise un râteau pour faire des formes. Sur la plage, il utilise une corde comme guide et il crée des images dans le sable lorsque la marée est basse. Donc, il utilise du sable humide qui permet de créer de la profondeur étant donné le teint plus foncé de l'eau qui a été mouillée au préalable. Et quand l'eau revient à sa hauteur, tout ce qu'il a fait s'en va. Donc, il utilise ces dessins-là pour faire des propositions de mariage, des demandes en mariage, exercices de... d'équipe de travail pour souder le lien entre les membres d'une même équipe de travail. Et son travail n'est pas vraiment parti lorsque l'eau revient. En fait, il vend des imprimés en photo et des cartes postales de ce qu'il fait comme œuvre sur son site web. Allez voir encore une fois sur assemblagerequis.com. C'est quand même le fun. C'est des formes. Par exemple, bon, il y en a une où c'est, on dirait quasiment pas un trottoir, là, mais tu sais, des dalles de ciment là, dans une cour arrière, on dirait. Oui. Si on veut. Donc, sinon, des coquillages aussi. Mais ce qui est vraiment impressionnant, il y en a qui il fait des ronds parfaits. Oui. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment des super formes. C'est parce que tu vois, tout est très symétrique. Calculé. Il y a un travail incroyable là-dedans. Puis c'est vraiment à grande échelle. Ouais. Là, parce que tu vois, les photos sont quand même prises de haut et tu vois le dessin à la perfection. Oui. Ça couvre toute la plage, c'est impressionnant. Exact, des toiles d'araignée, des corails, plein d'affaires. C'est super beau. Ensuite, les cyclistes aux Pays-Bas, oui, Il y a le premier carrousel, carrefour, si on veut, tu sais, un carrefour de voiture, un carrefour giro... Giratoire. Giratoire, un carrefour giro comme la bouffe au poulet, là, c'est ça, des giros? Ouais, ouais, le sandwich grec. À chaque coin, tu passes, c'est un giro. Donc, le Hoven Ring, en fait, c'est le premier carrousel ou carrefour suspendu dans les arcs et créé spécifiquement pour les cyclistes. Un pont suspendu à 70 mètres de hauteur, qui est maintenant un endroit très connu dans la place. Donc, l'équipe hollandaise d'ingénieurs IPV Delft a créé Hoven Ring en 2011. Hoven Ring est situé à l'intersection des villes hollandaises de Heidhoven, Veldenhoven et Meerhoven. Et donc, vous pouvez voir encore une fois les photos. C'est vraiment très, très beau. C'est soulevé dans les airs. C'est un espèce de rond. Bien sûr, c'est un carrefour giratoire avec des entrées à chacun. Ben, je dirais pas des coins, mais il y en a quatre à chacune des extrémités, si on veut, nord, sud, est, ouest de ce carrousel. Et en plein milieu, t'as un grand poteau. Et de tout le tour du carrefour, t'as des cordes, j'imagine, d'acier là, qui vont se planter, s'attacher en haut du bâton, du poteau. Et les voitures passent en dessous. Et en haut, c'est juste pour les vélos. Et on voit les rampes qui partent quand même d'assez loin pour amener à cette hauteur-là. T'sais, c'est pas une grosse pente abrupte, impossible à monter. Mm-hmm. Non, c'est très, très bien fait. Ensuite, est-ce que tu connais Ben Stiller? Bien sûr. Je parle bien d'acteur américain connu aujourd'hui. Sais-tu que Ben Stiller a dû passer en hypnothérapie pour régler son problème qui est accro aux M&M aux arachides depuis 1999? C'est vrai. En 99, il est allé en hypnothérapie. C'était hors de contrôle. Il consommait une livre de M&M aux peanuts à tous les jours. Quand il est sorti de sa session d'hypnose, il était guéri. Par contre, il a fait une rechute 6 mois plus tard. Et de nos jours, Ben Stiller accepte son handicap et mange un sac d'M&M par jour. Aux peanuts. Ben, voyons. Ça donne faim, hein? Ça donne envie. Et veux-tu me dire pourquoi, avec l'article, il y a un M&M fait en... M&M fait en M&M. C'est parce que pour être drôle, j'imagine, hein? C'est... ouais. Je l'aime de moins en moins, ce site, là, je t'ai déjà dit. vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets en Suède? Ils mangent? Non, pas du tout. En fait, les déchets sont un grand problème pour l'environnement en Suède. Les gaz d'effet de serre, les toxines sortant des sites d'enfouissement sanitaire, tout ça peut infiltrer l'environnement. Non seulement ça, mais en plus, ça sent mauvais, ça fait du bruit et ça endommage la vie sauvage des animaux de la forêt proche. Donc, en Suède, on a complètement réglé ce problème-là, nous dit-on. En fait, moins de 1% de leurs poubelles finit vraiment à des endroits nuisibles maintenant. Moins de 1%. En fait, leurs déchets sont recyclés ou encore vont à des usines qu'on appelle « waste to energy ». Donc, on transfère les déchets en énergie. Mais c'est donc bien génial, ça. Ouais, donc les poubelles sont incinérées. Pour commencer, on brûle le tout. De la vapeur est produite alors que ça brûle pour générer, pour faire s'activer, bref, des turbines géantes, ce qui crée de l'énergie. Il y a 32 usines WTE, donc Waste to Energy, en Suède, et ça fournit l'électricité à plus d'un million de maisons. Wow! Fantastique, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait génial. Je comprends pas pourquoi on fait pas ça ailleurs. Tellement. Il nous en reste deux derniers. On va finir avec l'avant-dernier, juste pour le fun. OK. 35% de la population naît sans dents de sagesse. Ah. Apparemment, votre bouche n'a pas reçu le mémo qui était supposé se faire pousser des dents de sagesse. De l'autre côté, vous êtes peut-être dans le groupe de gens qui vont se les faire enlever. Et donc, pour ceux qui se les font enlever, vous savez, ça fait très, très mal. Et on essaie de changer ça pour ne pas avoir à vous les faire enlever. Les scientifiques ne comprennent pas trop pourquoi les dents de sagesse disparaissent avec l'évolution. Parce que... Ça sert à rien. Ben, probablement, ça sert à rien, mais c'est que c'est les seules dents qui se développent après la naissance. Donc, c'est plus difficile pour la nature, nous dit-on, de faire de la sélection naturelle parce que ça se passe après la naissance. Donc, les scientifiques essaient d'éliminer les dents de naissance de façon permanente parce que les dents de sagesse n'apparaissent pas avant la douzaine d'années de vie sur Terre. Donc, ils pensent que ce serait possible d'utiliser des lasers ou des produits chimiques pour empêcher les dents de pousser. Alors, on estime que plus de deux tiers des dents de sagesse, les chirurgies pour enlever les dents de sagesse ne sont pas nécessaires. Et étant donné les douleurs que ça cause, on essaie de les arrêter à la source. Ben, si c'est pas nécessaire, pourquoi ils le font? Moi, si t'es pas obligé de faire parce que enlever. Ça fait mal, je pense, sinon des garder. Ça se peut-tu que ça pousse en dessous puis ça? Ben non, mal? Ben ça c'est parce que c'est nécessaire. Ouais. S'ils sont là puis t'as la place, c'est parce que la plupart des gens n'ont pas l'espace dans la bouche pour les avoir. Fait que souvent ça va sortir et ça va pousser toute la rangée de dents. Mmh. Fait que ça va tout décaler tes dents. Mais moi par exemple, mes deux dents de sagesse en bas ont poussé à l'horizontale. Donc ça poussait vraiment sur la rangée de dents, donc ça faisait extrêmement mal. Donc là, c'était nécessaire de les faire enlever. Mais si c'est pas nécessaire, t'es garde, là, ben me semble. Ben voilà. T'es juste hot, t'as plus dedans. Ben, c'est sûr. Je sais pas s'il y a une raison, en fait. Et pour terminer, on va terminer rapidement. Au 19e siècle, les mères qui s'enveloppaient de couvertures ou de nappes ou de draps pour prendre des photos avec leurs enfants, c'était pas pour avoir l'air épeurant, comme vous allez le voir sur les photos sur assemblagerequis.com. Ce lit était épeurant. Mais dans ce temps-là, c'était le processus de prendre des photos prenait plusieurs minutes. Donc, pendant la période d'attente que les enfants bougeaient, c'était pas réconforté par leur mère. Donc, les mères, ne voulant pas apparaître sur la photo parce que c'est des photos de leurs enfants, voulaient qu'ils soient le focus des photos, se cachaient sous une couverture. Et ça donne des photos où ils ont l'air d'être soit le Grim Reaper, le genre la personne qui vient t'annoncer ta mort, ou encore un fantôme. Donc, mais ça oui, c'est donc bien creepy! Mais c'est vraiment ce qui se passait à l'époque. C'est oh my god! C'est malade. Je vous laisse sur cette galerie de photos sur assemblagerequis.com, mais sachez-le, imaginez-vous dans votre tête, sinon ce n'est pas les photos devant vous. C'était peurant, Titi. Oh mon Dieu! Voilà pour cet effet. Voilà pour Assemblage Requis, Steph! Ouf! Tu finis ça, peur. Je trouvais ça drôle de finir avec ça. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une autre édition d'Assemblage Requis. Restez sur nos ondes. Génie en liberté s'en vient dans quelques instants. Ensuite, le dîner de compu, les coups des franches. À 16h, c'est les pressions ridicules. 17h, à livre ouvert. 18h, palmarès du monde. 19h, le voyage insolite. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Merci à David Ferron. Oui. À demain. Oui. On se quitte avec The New Pornographers. Tellement. Et Dan Saul Dominic. Bye.